Non, c'est bien. Hein. Thank you. Sympa, Titi. J'adore tes sons, j'adore le choix. Et bravo, Kepler. J'avais pas vu Kepler. Et Dirty qui était là. À plus tard. Bye.